Malgré les avertissements réitérés de notre armée, les bellicistes américains recourent plus frénétiquement aux exercices militaires pour la première frappe contre notre pays. Du 21 au 24 mars, la base de la marine à Iwagoni, Japon, a lancé à 10 reprises 20 avions de combat de frappe conjointe stealth F-35B en tout pour s'exercer à la frappe de précision, imaginons nos principaux objets. Les 28 et 29 courons, les escadrilles de bombardiers stratégiques nucléaires B-1B, tristement célèbres, ont livré successivement au-dessus de l'espace aérien sud-coréen les exercices de largage des bombes nucléaires contre nous. Par ailleurs, les bombardiers stratégiques nucléaires B-1B ont pris le vol à la base de l'aviation américaine d'Anderson à Guam pour entrer en pleine nuit dans l'espace aérien de la mer de l'Est de Corée et livrer les exercices militaires de frappe contre nos objets. Rappelons que de tels exercices nocturnes successifs des bombardiers américains pour le largage des bombes nucléaires contre notre pays sont effectués pour la première fois. Les 4 exercices militaires américains effectués à la fin de mars, en changeant chaque fois les places de frappe au champ de tir de Sangdong, au champ de tir de Cheokto à la mer de l'ouest de Corée et au-dessus de la mer de l'est, montrent nettement le dessein sournois de livrer à l'improviste les frappes subites dans différentes directions de notre République. Que les bellicistes américains n'oublient pas les avertissements de représailles de notre armée.